Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous avions commencé l'émission avec le génie chimique. On va la poursuivre dans un autre domaine du génie, la géo-ingénierie. J'ai réussi. Mais on ne va pas s'intéresser seulement aux technologies de la géo-ingénierie. On va en examiner les enjeux éthiques. Et pour cela, nous sommes en compagnie de Dominique Klich, qui est conseiller en éthique à la Commission de l'éthique en sciences et technologies. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors Dominique, on en avait parlé dans les chroniques précédentes de la commission lorsque Edith Delery, donc la présidente de la commission, était venue. On avait parlé de ces éthiques hebdo qui finalement étaient l'occasion de rebondir sur l'actualité, mais en faisant ressortir les enjeux éthiques. Et donc, d'ailleurs, on peut lire ces éthiques hebdo sur la page Facebook de la commission. Et l'éthique hebdo du 13 janvier dernier s'intitulait « Manipuler l'atmosphère terrestre, solutions pertinentes ou rapiécage technologique ». Alors, on va décortiquer cette éthique hebdo. Et pour bien commencer, j'ai envie de vous poser la question. La géo-ingénierie, que j'ai tant de mal à prononcer, qu'est-ce que c'est? Eh bien, au-delà d'un exercice de diction intéressant, la géo-ingénierie, donc pour faire simple, c'est l'ingénierie appliquée à la Terre, donc géo. Donc, simplement, c'est l'application d'une approche d'ingénieur aux problèmes de la Terre, et ici plus précisément les problèmes climatiques. Donc, un ingénieur, là, pour vous rappeler, c'est essentiellement quelqu'un qui voit des problèmes, cherche des solutions techniques pour les régler. Donc, par exemple, l'ingénieur va utiliser notre compréhension des processus, des mécanismes naturels pour intervenir sur ces mécanismes-là de manière à solutionner des problèmes. Mm-hmm. Et donc là, ce que je comprends, c'est que le problème en lui-même auquel s'intéresse la géo-ingénierie, ce sont les changements climatiques. Tout à fait. Donc, je vous apprends rien là, en vous disant qu'il est extrêmement probable, selon les critères établis par le GIEC, que nous dépassions d'ici 2100 le plafond des 2 degrés Celsius d'élévation de la température depuis l'après industrielle, si on fait rien, effectivement, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, particulièrement les émissions de CO2. On se rappelle aussi qu'une élévation là, de 2 degrés Celsius, c'est le plafond que s'est fixé la communauté internationale sur la base du fait que c'est à partir de 2 degrés Celsius d'élévation que les conséquences du réchauffement climatique deviennent potentiellement catastrophiques. Donc, on parle d'événements extrêmes, des froids ou des chaleurs extrêmes, tsunamis, ouragans, perte importante de biodiversité, particulièrement dans les océans. Et donc, face à ce problème-là, là, qui est bien connu, l'ingénieur se dit... Comment jouer sur des variables comme la quantité de CO2 dans l'atmosphère ou la température de manière à éviter ces problèmes-là? Donc, l'idée derrière la géo-ingénierie, c'est que la compréhension qu'on a des dynamiques du climat, des mécanismes qui sont à l'œuvre, va nous permettre d'intervenir sur le climat pour régler ces problèmes-là. Donc, pas uniquement d'observer les changements climatiques ou prévoir leurs conséquences, mais vraiment d'agir activement, donc, sur le climat, pour réduire la température, pour contrôler la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Mais ça, quand même, ça a l'air quand même d'être un gros problème, quand même, de s'attaquer à ce problème-là pour les ingénieurs. Donc, comment font-ils? Quelle est leur approche? Oui, ben c'est ça. Il y a 2 grandes approches là, qui sont évaluées. La première vise à réduire considérablement le carbone atmosphérique, donc la quantité de CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère. Alors que la seconde approche, elle consiste à contrôler le rayonnement solaire, donc qui est un facteur de rayonnement, de réchauffement, hein, évidemment, donc les rayons du soleil. Et donc, en diminuant le rayonnement solaire qui entre dans l'atmosphère, on cherche ainsi à contrecarrer, si on veut, l'effet réchauffant de l'accumulation de CO2. Donc, plus précisément, donc la première approche là, qu'on appelle capture et stockage, qui vise à contrôler la quantité de carbone. Bon, il y a des versions assez peu controversées, comme la reforestation. Donc, finalement, des zones qui ont été déforestées, de régénérer dans le fond des forêts. On sait que les forêts sont considérées comme les poumons de la planète qui permettent de capter beaucoup de CO2. On peut aussi faire de la reforestation dans zones désertiques, qui est beaucoup plus problématique, qui demande une forte irrigation, par exemple, et qui pose la question de savoir la zone ne peut plus soutenir une forêt, notamment en raison d'approvisionnement en eau, ben là, tout le carbone capté risque de fuir, finalement, et de revenir là, dans l'atmosphère. On peut détailler d'autres techniques de cet ordre-là qui sont de plus en plus farfelues, si on peut, d'un point de vue extérieur, si on veut. Par exemple, on peut faire de la capture et du stockage en mer ou dans des réservoirs géologiques. Donc, par exemple, le CO2 qui résulte de la combustion, par exemple, d'énergie fossile, pourrait être capté avant qu'il rejoigne l'atmosphère et donc enfoui dans des formations géologiques scellées. Donc, c'est un peu l'équivalent de l'enfouissement des déchets domestiques, là, mais à un niveau, évidemment, vraiment atmosphère, donc mondiale, donc aller chercher vraiment notre pollution, nos déchets. Je pense qu'il y a des essais qui se font en Alberta, je pense, puis dans d'autres endroits, en Norvège aussi, je pense. Là-dessus, il y a eu des effets, des essais, effectivement. Aussi, plus particulièrement sur la fertilisation des océans avec du fer. Ça, c'est une technique aussi qui est étudiée, qui permet de développer le phytoplancton. Le phytoplancton qui est, dans le fond, un élément dans les océans qui permet de capter beaucoup de CO2. Donc, en fertilisant, donc en stimulant le développement du phytoplancton, ça nous permet d'absorber davantage de CO2 par les océans. C'est une solution qui est vue comme une solution possible, mais quand même à très long terme. C'est-à-dire que les effets ne se feraient pas sentir immédiatement du tout. On parle de plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années. C'est aussi une solution qui est extrêmement coûteuse et c'est à une échelle, là, évidemment, très, très grande. La deuxième approche, donc celle qui cherche à modifier la quantité du rayonnement solaire là, qui entre dans l'atmosphère, ça c'est encore plus controversé que les exemples que j'ai pu vous donner jusqu'à maintenant, celle qui comporte la plus grande part d'inconnus et de risques. Ça peut être fait par l'installation, tenez-vous bien, de réflecteurs géants dans l'espace. Aussi, la diffusion de particules de soufre dans l'atmosphère, ou encore par des interventions sur les nuages. Donc, par exemple, on va aller par l'émission de sel marin. On va être capable de rendre les nuages plus blancs, ce qui va permettre d'augmenter ce qu'on appelle l'albédo atmosphérique. L'albédo, c'est la capacité réfléchissante d'une surface, donc la capacité réfléchissante de l'atmosphère. Ce qu'on a remarqué, en fait, ce qui nous mène un peu à cette hypothèse-là, c'est qu'on a remarqué que les éruptions volcaniques qui libèrent de l'oxyde de soufre dans l'atmosphère sont suivies d'un refroidissement de la température pendant une certaine période. Parce que, donc, ce composé chimique-là, les oxydes de soufre, réduit la pénétration du rayonnement solaire. Donc, on voit, c'est vraiment l'idée derrière toutes les techniques de gestion du rayonnement solaire. Donc, on va aller chercher à reproduire cet effet-là en injectant nous-mêmes des aérosols sulfurés dans l'atmosphère. C'est une solution qui est à beaucoup plus court terme parce que les effets sont pratiquement immédiats. C'est à très bon marché aussi, mais évidemment, on parle d'interventions à très grande échelle qui auraient des conséquences à la fois globales et locales importantes sur le climat et qui soulèvent nécessairement des enjeux éthiques. Ben oui, mais je me demande quand même à entendre toutes ces techniques-là, notamment celles qui consistaient à mettre, je ne sais plus, des écrans dans l'espace. Est-ce qu'on est vraiment rendu là? Je veux dire, est-ce que les connaissances et les technologies sont suffisamment développées? Et d'autre part, est-ce que la solution, ça ne devrait pas être avant tout de réduire nos émissions de CO2? Ben évidemment, si on en parle aujourd'hui, c'est que pour certaines personnes, on serait rendu là. Donc les arguments qui sont mis de l'avant sont divers. Donc pour certains, nous sommes effectivement rendus là parce qu'il y a urgence d'agir et que les négociations à l'échelle internationale pour réduire les émissions de CO2 sont lentes et très laborieuses. Donc l'idée, c'est face à l'urgence, face à l'inaction de nos gouvernements, il faut trouver d'autres manières d'agir. Donc pour d'autres, c'est en raison de... Mais il va falloir avoir l'accord des gouvernements pour débloquer des fonds et puis faire tout ça. Oui, bon, évidemment, on peut aussi imaginer des grands consortiums privés, des grandes fondations qui pourraient tenter de faire l'exercice, mais là, on rentre dans une zone encore plus problématique, là. Donc pour d'autres, c'est en raison de la difficulté à opérer un changement rapide dans nos modes de production de consommation d'énergie, donc c'est quand même relié. L'idée est de dire, par exemple, si les énergies fossiles sont appelées à occuper encore pour plusieurs années un rôle important, donc dans notre mode de vie, malgré le fait qu'on soit en transition énergétique, donc la question devient plutôt de savoir comment est-ce qu'on peut atténuer l'impact négatif de l'utilisation de ces énergies fossiles là. Donc c'est un peu en parallèle avec un argument qu'on entend qui est souvent mis de l'avant pour qu'on continue justement l'exploitation de sable bitumineux ou qu'on construise davantage d'oléoducs. L'idée que nous pouvons pas nous passer de pétrole pour l'instant. Donc donc il faut continuer à exploiter le pétrole par exemple de manière à financer une transition énergétique. Donc un peu dans le même ordre d'idée, on parle de dire bon, en attendant qu'on puisse vraiment réaliser la transition, on va avoir besoin de contrecarrer les effets négatifs de notre mode de consommation. Enfin, ben pour d'autres, ce qu'ils vont faire valoir, c'est qu'une bonne part de la tendance au réchauffement climatique est simplement irréversible. Donc, malgré les efforts futurs de diminution des émissions humaines là, de CO2. Donc, même si on fait des efforts très importants dans l'avenir, le mal est fait. Donc, ça, c'est, on pourrait dire, la perspective la plus pessimiste. Et donc, pour eux, donc si on peut pas ralentir suffisamment le réchauffement en réduisant nos émissions, il faudrait aussi intervenir directement sur le taux de CO2 déjà présent. Donc, on parle ici de la capture, la séquestration du CO2 ou sur d'autres facteurs réchauffants, comme le rayonnement solaire. Cela dit, ça c'est la perspective des tenants de la géo-ingénierie, ce que vous soulevez très juste, hein, il y a à la fois un manque de connaissances important sur les effets des différentes interventions et aussi des questionnements à se poser là, sur la dimension plus politique du problème. Donc d'une part, je prends l'exemple de l'injection des substances chimiques là, dans l'atmosphère, c'est une technique qui n'est pas utilisée actuellement, hein, toutes les études qu'on a sur le potentiel de cette technique-là s'appuient sur des modèles prédictifs, des modèles théoriques. On n'a pas vraiment de données expérimentales issues d'essais dans la nature spécifiques à ça. Donc, on a les données sur les volcans, mais évidemment, c'est difficile de généraliser. Ah, puis il faut bien le doser, parce qu'on a vu que dans le passé, quand il y a eu des éruptions volcaniques, il y a quand même eu quelques périodes de froid et puis de problèmes de production agricole, il me semble. Tout à fait, tout à fait. Donc, toute l'ampleur des conséquences et aussi la distribution de ces conséquences-là sur le territoire sont encore relativement inconnues. Et donc, ça appelle à la plus grande précaution. De l'autre côté, on peut légitimement craindre que ces techniques-là soient perçues comme un chèque en blanc, donc comme un permis de continuer à polluer, étant donné qu'on serait maintenant en mesure de contregarer les effets négatifs de l'utilisation des énergies fossiles. Donc la géo-ingénierie pourrait être à ce moment-là considérée comme une fausse bonne solution, une forme de rapiessage technologique, ce qu'on appelle un techno-fix. Et à ce moment-là, l'argument de l'urgence risque de se retourner contre ceux qui l'avancent. Donc si on peut retarder les effets négatifs, qu'est-ce qui nous motiverait alors à accélérer les négociations internationales pour adopter des politiques fortes pour lutter contre les changements climatiques? L'idée, c'est que si même dans l'urgence, les États avancent lentement, qu'est-ce que ce serait si en plus cette urgence-là se trouvait atténuée par des solutions techniques? Ouais, effectivement. Alors, on va peut-être revenir sur la question de l'importance de la prudence, mais vous avez parlé de rapiessage technologique. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui, bien sûr. En fait, en droite ligne, considérer les technologies de géo-ingénierie comme une option, ça peut avoir un effet carrément démobilisateur quant à la nécessité de modifier nos modes de production et de consommation. Le problème, c'est que ces modes de consommation, de production, entraînent aussi de nombreux problèmes différents, qui sont autres que celui du réchauffement climatique, comme l'épuisement des ressources, la pollution de manière générale, donc des problèmes de santé aussi. Donc malheureusement, la géo-ingénierie a peu d'effet sur ces derniers, ces conséquences-là. De cette perspective-là, la géo-ingénierie peut être considérée comme une forme de rapiessage technologique, un techno-fix, qui sert à éviter de devoir attaquer le problème à sa source. Mm-hmm. Ce qu'on appelle un rapiessage technologique, c'est lorsqu'une solution technique est donnée à un problème beaucoup plus complexe, davantage social ou politique, ou lorsqu'une technologie est utilisée pour contrer les effets négatifs d'une autre technologie, ce qui, dans le fond, risque de nous entraîner dans un cercle vicieux. Et d'ailleurs, en fait, les organismes les plus sérieux qui ont mentionné la géo-ingénierie comme une solution potentielle à mettre en œuvre face au changement climatique, on parle donc du groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, le GIEC, que j'ai mentionné plus tôt, dans son dernier rapport rendu en 2014, il mentionnait la géo-ingénierie, mais de manière plutôt marginale. Donc, le GIEC est loin d'être un promoteur de la géo-ingénierie. Ouais. Il recommandait plutôt d'autres solutions mettre en œuvre de manière prioritaire. Il recommandait cependant la reforestation, cependant. Oui, ça entrait dans leurs recommandations, mais principalement, ce qui était mis de l'avant, c'était des mesures agressives d'efficacité énergétique. Ah oui. L'idée était de faire diminuer la consommation et donc les émissions de CO2. Le GIEC annonce aussi beaucoup de réserves concernant la géo-ingénierie, tant concernant l'efficacité, les coûts, les conséquences incertaines que ça peut entraîner. Cela dit, le paragraphe qui traite de la géo-ingénierie, ça a eu un très fort impact médiatique. Probablement en raison du caractère plutôt sensationnaliste des techniques qui sont évoquées, et sans plus d'avoir une résonance dans les cercles conspirationnistes ou complotistes qui prétendent que des expériences de géo-ingénierie à grande échelle ont déjà eu lieu en secret. Mais il reste en fait que la simple mention dans un rapport de cette envergure-là a de quoi justifier qu'on s'attarde quand même sérieusement à se questionner sur les enjeux éthiques, qu'on n'a pas se retrouver pris au dépourvu si des États, ça pourrait arriver, et en venir à la conclusion qu'il faut considérer de telles mesures. Vous parliez aussi de l'incertitude et de la précaution. Est-ce que ça veut dire qu'il faut invoquer le principe de précaution? C'est une possibilité. En fait, c'est même quelque chose qui est mis de l'avant par la conférence des parties de la Convention sur la biodiversité. Ça a été réitéré en décembre dernier, là, comme quoi le principe de précaution pourrait être pertinent concernant les activités de géo-ingénierie. L'idée derrière tout ça, c'est que le système climatique est infiniment complexe. Son équilibre est très fragile. On a une connaissance assez limitée, malgré des modèles de plus en plus perfectionnés, sur la manière dont les différents éléments peuvent interagir, surtout lorsqu'on introduit de nouveaux facteurs comme ça. Donc, intervenir à grande échelle sur les mécanismes climatiques, ça risque de les perturber, d'engendrer une nouvelle dynamique globale, et ça a des conséquences potentiellement imprévisibles. Donc, c'est le caractère incertain, potentiellement irréversible aussi de ces interventions-là qui appellent à la prudence et à l'invocation possible du principe de précaution. Donc, je vous rappelle rapidement, le principe de précaution, c'est un outil normatif. La communauté internationale s'est dotée en 92 dans la déclaration de Rio, qui a fait suite à la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Et donc, je vous donne la formulation qui est proposée par l'UNESCO en 2005. C'est, lorsque des activités humaines risquent d'aboutir à un danger moralement inacceptable, c'est-à-dire potentiellement très grave et irréversible, qui est scientifiquement plausible mais incertain, des mesures doivent être prises pour éviter ou diminuer ce danger. Donc, on voit de manière assez directe, là, dans le cas qui nous préoccupe, que le principe de précaution pourrait être invoqué là, pour justifier d'écarter certaines interventions de géo-ingénierie dont les conséquences seraient potentiellement plus graves que le problème initial, qui est celui du changement climatique. Et sinon, au minimum, je crois qu'on peut dire que ça exige quand même de prévoir des mesures précises pour limiter les conséquences néfastes possibles de ces interventions-là, de manière à les rendre plus raisonnables et moralement acceptables dans les termes. Donc, c'est pas forcément de supprimer la technologie, une technologie en tant que telle, mais de voir comment diminuer les éventuels dangers. Ça, il y a différentes gradations dans l'interprétation du principe de précaution, donc du blocage complet aux mesures compensatoires. Et même d'un autre côté, on peut utiliser le principe pour justifier de réaliser des études, pour mieux comprendre les mécanismes en jeu et réduire aussi la dimension d'incertitude. Donc, c'est un peu dans cette dernière optique-là, d'ailleurs, que très récemment, et c'était l'amorce, si on veut, à l'éthique hebdo qu'on a rédigé à la commission, c'est un rapport spécial qui a été préparé pour les programmes de recherche du gouvernement fédéral américain, qui recommandait pour la première fois de financer de la recherche en géo-ingénierie pour tester concrètement certaines techniques, donc qui relèvent des deux approches que j'ai mentionnées plus tôt. Donc, on pourrait soutenir que cette initiative-là est justifié sur la base justement du besoin qu'on a d'avoir des données pour mieux évaluer les risques d'une initiation à grande échelle, la géo-ingénierie. À l'inverse, on pourrait aussi se demander s'il est même justifié de procéder à des essais en nature, s'il comporte des risques potentiels importants là, dont l'issue est même incertaine. Donc, le rapport en question que je mentionnais est présentement soumis pour commentaire auprès de la population américaine, et ce jusqu'à demain, donc jusqu'au 3 février. Puis il reste à voir si la recommandation de financement va être maintenue. Je pense que ça va être quelque chose à suivre. Absolument. Dominique, est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu de justice pour savoir qui devrait payer, par exemple, ou mettre en place et développer de la géo-ingénierie, sachant que historiquement, c'est quand même les pays occidentaux qui sont les principaux responsables des changements climatiques? Oui, tout à fait. Puis là, une solution éventuellement va concerner, peut-être une fois qu'elle est développée, tout le monde va être touché, ou aussi bien par les effets positifs que négatifs d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il y a des enjeux de justice importants là, aux deux niveaux, hein, tant dans le financement, dans la mise en œuvre des mesures, si évidemment on décide d'aller de l'avant, mais aussi dans la distribution même de leurs effets. Donc, concernant les coûts, par exemple, par rapport à la mise en œuvre, donc, il serait raisonnable d'appliquer un principe qu'on appelle de responsabilité différentielle. Comme vous dites, bien que tous les pays, dans le fond, tous les États aient une certaine responsabilité morale par rapport à ce qui arrive dans le monde, les pays développés, clairement, devraient assumer un plus grand fardeau compte tenu de leur plus grande capacité financière, scientifique, technologique et, comme mentionné, de leur plus grande contribution historique à la création des problèmes. À l'inverse, les États, les peuples qui sont plus vulnérables devraient être aidés davantage, compte tenu de leurs capacités qui sont moindres et du fait que, historiquement aussi, leurs émissions de GES étaient inférieures. Et encore une fois, il y a une double injustice, dans le fond, là-dedans. Donc, de manière générale, ce sont ceux qui sont les moins responsables des changements climatiques qui en subissent les conséquences les plus graves. Ouais. Donc, faudrait surtout pas qu'en plus, ils se retrouvent à devoir porter le fardeau des coûts des mesures d'atténuation des changements climatiques. Donc, faut surtout éviter à ce niveau-là d'ajouter une injustice à une autre. En deuxième lieu, lorsqu'on parle des conséquences, même des effets de ces mesures-là, faut tenir compte de leur distribution sur les générations futures, sur les autres espèces, sur les écosystèmes, mais aussi entre les territoires, d'un point de vue plus géographique. Donc, par exemple, les interventions qui visent à modifier le rayonnement solaire peuvent être déployées de manière très locale, donc par un simple gouvernement. Donc, on parle d'aller lancer dans l'atmosphère donc des avions ou des navettes qui vont aller diffuser des particules de soufre dans l'atmosphère. Donc, pas besoin d'avoir une concertation internationale, dans le fond, pour pouvoir mettre en œuvre une telle solution. Cependant, ça va avoir des effets potentiellement globaux sur la température, sur la quantité, l'acidité des précipitations, et aussi sur la disponibilité de la lumière dans différentes parties de la planète. Et donc, évidemment, on peut penser tout de suite à des impacts importants sur les cultures, sur l'agriculture, lorsqu'on parle de lumière, lorsqu'on parle de précipitations. Donc, par l'intervention de quelques-uns, tous qui risquent d'être affectés de manière différente et potentiellement inéquitable. Donc là, l'évaluation de ces risques-là repose sur la compréhension des mécanismes climatiques qui sont complexes, comme je l'ai mentionné, et encore une fois, sur lesquels la communauté scientifique a encore beaucoup à apprendre. C'est comme on rajoutait des inconnus à un système qu'on a déjà du mal à bien comprendre. Exactement. On rajoute des inconnus. Oui, tout à fait. Et donc, la question aussi que vous posiez, donc qui est appelé à prendre ces décisions-là et sur la base de quelle information? Je pense que ça nous amène naturellement vers des enjeux qu'on appelle de gouvernance. Donc, qui va être chargé de décider, de réaliser les interventions, étant donné que c'est susceptible d'avoir des répercussions sur l'ensemble de la population mm-hmm. mondiale. Quel niveau de preuve scientifique va être requis pour justifier l'adoption d'une ou plusieurs de ces techniques-là? Faudra avoir peut-être des standards internationaux si on décide d'aller de l'avant. Aussi, ben, il semble essentiel que les questions éthiques, politiques, qui sont liées à la géo-ingénierie, soient discutées publiquement et pas derrière mm-hmm. des portes closes. Ouais. Et là, c'est la question à 1000 $ dans un des cas aussi complexes qui invoque et des données scientifiques de pointe, difficile à comprendre, difficile même à saisir et avec un niveau d'incertitude important. Et par ailleurs, des enjeux sociaux, politiques, économiques importants. Comment on peut favoriser une prise de décision globale, inclusive, participative, qui soit à la fois démocratique et scientifiquement fondée? Je vous laisse sur cette question extrêmement difficile, sur laquelle je pense qu'on n'a pas terminé de réfléchir. Effectivement, puis quand on voit aussi que c'est toujours très difficile de discuter dans la population sur les choses qui ont un degré d'incertitude. Bien sûr. Que l'incertitude, ça devient très compliqué. Mais en tout cas, ça fait bien des points d'interrogation à répondre, outre cette dernière question, avant de pouvoir penser que la géo-ingénierie offrira une solution dans la lutte contre les changements climatiques. Et j'imagine que la Commission va suivre peut-être ce dossier de la géo-ingénierie? On suit attentivement le dossier, en effet. Ça demeure encore... C'est pas vraiment dans les cartons des États mm-hmm. occidentaux encore. Donc, c'est sûr que je pense pas qu'on a à s'attendre à une prise de position imminente, non, là, mais nécessaire. Mais c'est clair que c'est un des éléments, un des grands enjeux là, d'éthique des technologies à l'échelle internationale mm-hmm. qui attire notre attention. Bien, merci beaucoup, Dominique, en tout cas, pour nous avoir plaisir. Ouvert les yeux sur cette géo-ingénierie merci et tous les enjeux éthiques que ça soulève. Donc, je rappelle que Dominique Klich est conseiller en éthique à la Commission de l'éthique en sciences et technologies et en technologie. Et aussi que vous pouvez lire l'éthique hebdo sur la géo-ingénierie sur la page Facebook de la Commission. Il datait du 13 janvier dernier. Merci Dominique.